les grenouilles. Par brusque détente, elles exercent leur ressort. Elles sautent de l'herbe comme de lourdes gouttes d'huile frite. Elles se posent, presse papier de bronze, sur le large feuille du nénuphar. L'une se gorge d'air. On mettrait un sou par sa bouche dans la tirelire de son ventre. Elles montent comme des soupirs de la vase. Immobiles, elles semblent, les gros yeux à fleur d'eau, les tumeurs de la mare plate. Assises en tailleur, stupéfiées, elles bâillent au soleil couchant. Puis, comme les camelots assourdissants des rues, elles crient les dernières nouvelles du jour. Il y aura réception chez elles ce soir. Les entendez-vous rincer leur verre? Parfois, elles happent un insecte, et d'autres ne s'occupent que d'amour. Et toutes, elles tentent le pêcheur à la ligne. Je casse sans difficulté une gaule. J'ai piqué à mon paletot une épingle que je recourbe en hameçon. La ficelle ne me manque pas. Mais il me faudrait encore un brin de laine, un bout de n'importe quoi, rouge. Je cherche sur moi, par terre, au ciel, je ne trouve rien, et je regarde, mélancoliquement, ma boutonnière fendue, toute prête, que sans reproche, on ne souhaite guère d'orner du ruban rouge.